deuxième temps d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux nouvelles lectures de la Révolution française. Aujourd'hui, une histoire des histoires de la Révolution avec Antonino De Francesco. Hier, nous avons reçu le cinéaste Pierre Scheler qui, après bien d'autres, s'attaque, dans un film qui sort demain en salle, Un peuple et son roi, aux représentations du peuple de Paris pendant la Révolution. Demain, nous nous poserons la question, à l'occasion de la parution de plusieurs ouvrages sur le sujet, la question de la représentation de la terreur et du directoire chez les historiens. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le grand plaisir de recevoir l'historien Antonino De Francesco, professeur d'histoire moderne à l'Université de Milan, qui vient d'achever un long travail dans lequel il se propose de ramasser en un peu plus de 400 pages 200 ans de débats et d'interprétations contradictoires autour de notre grande Révolution française. Bonjour Antonino De Francesco. Oh, bonjour, mille fois merci pour l'invitation. Et mille fois merci d'avoir accepté cette invitation et d'être venu depuis Milan pour parler de votre livre qui vient tout juste de sortir, qui sort après-demain exactement chez les libraires, La guerre de 200 ans, une histoire des histoires de la Révolution française chez Perrin. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans une telle entreprise, Antonino De Francesco? J'avais une dette parce que je suis arrivé en France quand j'étais tout jeune, je n'avais que 20 ans, vers la moitié des années 70, pour faire des études sur la Révolution et pour fuir un peu l'Italie qui, à l'époque, était un pays très triste et très violent surtout. Et le premier livre sur la Révolution française que j'ai eu l'opportunité de lire, c'était un tout petit livre d'Alice Gérard, La Révolution française, mythe et interprétation, qui était paru en 1970, si je me trompe pas, et qui était un livre magnifique, parce que dans trop peu de pages, elle donnait un esquisse, un bilan des ouvrages sur la Révolution, parus en France comme ailleurs. Et la chose qui m'avait frappé à l'époque, et qui a continué de me frapper dans les décennies suivantes, c'était que Alice Gérard n'ait posé jamais un doute le fait que la Révolution représentait un élément central dans la culture politique et historique de la modernité. Et après 50 ans, je pense que les choses ont malheureusement changé en profondeur et que les temps étaient venus donc pour repenser la chose et pour proposer une nouvelle lecture, un nouvel bilan plutôt de 200 ans d'interprétation et de débats autour de la Révolution française. Oui, c'est un peu un paysage après la bataille, votre guerre de 200 ans. C'est-à-dire que on a l'impression, un peu mélancolique de votre part, vous avez consacré une grande partie de votre carrière d'universitaire en Italie et en Europe à cette question de la Révolution française et de ses surgeons dans différents pays. On a l'impression que vous tirez un bilan, disons, contrasté, un peu nostalgique, d'une époque où on s'empoignait autour de la Révolution française, une époque que nous ne connaissons plus aujourd'hui, Antonino De Francesco. C'est vrai, vous avez raison. Il est évident que la Révolution française a perdu beaucoup de l'importance qu'elle avait quand j'étais jeune. Et je pense que la chute de l'attention vers la Révolution française est en quelque sorte conséquence de ses fortunes au lendemain du bicentenaire. Je voudrais dire la chose d'une façon différente. Après le bicentenaire, avec la chute du mur de Berlin, avec la fin de la guerre froide, la Révolution française, entendue comme liberté et égalité, semblait avoir pris le dessus et représenter donc un point de référence pour l'Europe entière, pour tout le monde occidental. Et cela n'était pas vrai, parce que les années à suivre ont démontré que les choses étaient bien plus compliquées que l'on en croyait. Et j'ai l'impression que, à partir du début du XXIe siècle, bien avant donc la crise financière, les choses ont changé. Et la Révolution française a été mise en question comme élément qui déterminait la modernité. Donc la crise de la modernité a entraîné aussi la crise de la Révolution française comme sujet fondateur de la nouvelle Europe, de l'Europe contemporaine. Oui, et d'ailleurs, vous dites que ces valeurs, cette façon de voir la Révolution française ont été profondément mises à mal, mais par de tous côtés, pourrait-on dire. Antonino De Francesco, vous pointez du doigt toujours une sorte de fond contre-révolutionnaire qui continue, là ou ailleurs, à critiquer cette Révolution française pour ses ambitions, mais aussi pour ses excès. Vous avez aussi une autre critique qui vient en particulier des peuples qu'on appelait autrefois les peuples du tiers-monde, qui ont mis en cause les valeurs qui étaient portées, parce que cette révolution était certes une révolution de liberté pour certains peuples, mais pas pour tous les peuples, et en particulier pour toutes les questions liées aux questions raciales. Et vous dites que attaquée de toutes parts, cette révolution française a bien du mal à garder sa centralité qu'elle avait jusque dans les années 70 et de votre venue en France, Antonino De Francesco. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et j'ai l'impression que, après les bicentenaires, la Révolution française n'a pas eu la possibilité ni la force de devenir le point de référence pour une culture européenne qui se disait capable de se confronter avec son passé. Et donc on a fait l'équivalence tout à fait facile et tout à fait mauvaise entre la modernité et les excès de la modernité. Donc si la Révolution française était la modernité, il va de soi alors que dans la modernité, il y a aussi le racisme, il y a aussi le colonialisme, il y a aussi les autoritarismes, il y a aussi le fascisme et le communisme. Et donc la modernité mise en crise, la Révolution française n'était plus un point de référence pour dire que l'Europe, en quelque sorte, pouvait encore garder une sorte d'identité forte et des valeurs profondes et justes. De ce point de vue, je dirais que la crise de l'Europe a impliqué aussi la crise de la Révolution. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que, après 1989, tout le monde pouvait penser que les valeurs d'une démocratie représentative, d'après l'exemple des valeurs profondes de la Révolution, pouvait s'implanter tout tranquillement un peu partout. Et cela n'était pas si vrai que ça. Cela a été brutalement refusé. Et je dirais qu'un rôle, en quelque sorte important, a eu le monde anglo-américain. Parce que les Britanniques ont été les premiers à se distinguer une fois de plus de ce qu'il semblait une ligne vers la modernité représentée justement par la dissolution du communisme. Ils ont reproposé leur identité tout à fait écartée de l'Europe continentale. On a recréé un axe anglo-américain qui n'avait jamais été si profond comme l'on en croit dans les décennies précédentes. Le résultat était que l'Europe continentale, à mon avis, a perdu beaucoup d'élan. Elle a cru de pouvoir s'implanter à l'Est, avec des résultats que les années récentes nous disent être très très très fragiles. Et on a perdu surtout la possibilité de proposer la Révolution comme un élément de liberté. La Révolution a représenté un élément de liberté pour les Européens seulement, avec le résultat que le tiers-monde a eu jeu facile de proposer la Révolution française comme une sorte de révolution blanche. Alors, on va revenir sur ces lectures régulières, pourrait-on dire, puisque elles sont toujours remises en jeu depuis maintenant plus de 200 ans, avec vous, à l'occasion de la sortie de votre livre dans 2 jours, La guerre de 200 ans, une histoire des histoires de la Révolution française. Mais écoutons justement le chanteur qui peut-être en France a incarné justement cette révolution triomphante. Il était de toutes les fêtes autour de la Révolution. Il s'appelait Marc Augeret. Il chante ici « Notre bon roi ». Notre bon roi se plaise à Paris, ça ravigue tels esprits. Le v'là sous la sauvegarde, notre honneur et notre amour. Nos cœurs y montons la garde, on se bat pour y avoir son tour. Ah, mais si voulions l'emmener pour afin de l'emprisonner, y voulions la guerre civile et que notre sang fût répandu. Mais cette guerre, force incivile, je l'avons arrêté succube. Enfin, je l'obtenons pourtant, ce bonheur que je désirions tant. sa bonne ville d'origine et ce qu'il est le plus chéri. Je lui ferai bonne chair et bonne mine comme nos pères au bon Henri. V'là la cause du pourquoi j'avons été choqué chez le roi. Ceux qui lui tendions des embûches, je les ont pris dans leur filet. Les vlassos comme des cruches, échifflés par les valets. À peu de frais, j'ont acheté notre heureuse liberté. Il en a coûté quelques têtes, quitte ça se serait bien passé. Mais il n'est point de bonne fête sans quelques vertes cassées. Marc Augeret qui chantait Notre bon roi. Nous sommes avec Antonino De Francesco qui nous a rejoint à la parution de son livre, donc La guerre de 200 ans, une histoire des histoires de la Révolution française chez Perrin. Un livre qui fait le point en plus de 400 pages sur les différentes interprétations de la Révolution française du moment même où elle se déroulait, Antonino De Francesco, parce que je crois que c'est votre éditeur qui vous a demandé de remonter très haut dans le temps, c'est-à-dire au moment même de la Révolution, Benoît Hiver, pour nous donner une fresque la plus complète possible des différentes interprétations à la fois dans le temps et dans l'espace, puisque vous parcourez aussi d'autres pays que la France dans leur interprétation de la Révolution française. Oui, c'est justement Benoît Hiver qui m'a proposé de partir de l'année 1789. Moi, j'aurais préféré débuter avec les premières années de la Troisième République. Et par contre, en revanche, je crois qu'il avait fort raison, parce que, par exemple, j'aurais pas pu aborder la question de Edmund Burke, qui maintenant est proposé comme un classique de la politologie, et son texte, par contre, à l'époque, était un travail militant dans lequel Burke essayait de proposer l'Angleterre comme une sorte de paradis révolutionnaire par rapport à une France dont la révolution ne pouvait qu'amener à des excès et à la ruine. Donc, les fortunes de l'exceptionnalisme britannique vont commencer au lendemain de 1789, grâce à 1789. Et là, c'est un passage important qui reste tout au long du livre, dont les pages dédiées à la tradition britannique mettent l'accent sur le fait que la Révolution française a représenté pour la culture politique britannique l'occasion pour reproposer soi-même comme quelque chose d'exceptionnel, et en quelque sorte pour définir la primauté britannique par rapport à la France et à l'Europe continentale. Oui, alors il y a toute cette histoire contre-révolutionnaire que vous faites en même temps que l'histoire de la Révolution française, parce que ces ouvrages, et ça on le sait pour avoir travaillé sur ces sujets-là, se répondent les uns les autres. Il y a une très grande facilité à prendre l'ouvrage de l'un et à lui répondre dans l'année qui suit, pour qu'ensuite on se voit répondre par un troisième, et que dans une sorte de ping-pong permanent, eh bien, ces interprétations avancent, Antonino De Francesco. Oui, il s'agit d'une guerre de 200 ans, de plumes, d'une guerre de plumes de 200 ans. Une guerre qui se développe entre les tenants de la Révolution d'une part, et ceux qui considèrent 1789 comme un cauchemar, comme un tremblement de terre qui a détruit une société traditionnelle dont le valeur était en revanche, à soutenir. Après, la guerre des plumes s'est développée même à l'intérieur des tenants de la Révolution, donc en distinguant ceux qui préféraient la solution libérale par rapport à ceux qui étaient fort convaincus par une dimension sociale de la Révolution, ce qui distinguait 1789 par rapport à 1793, sans oublier ce qui était plutôt favorable à la chute de la monarchie, à la naissance de la République, donc à un républicanisme 92, qui a été les bastions sur lesquels la Troisième République, au début, a essayé de s'implanter et de trouver une légitimité historique et politique. Et puis, il y a ceux qui ne voient dans la Révolution que sa violence déchaînée, et puis ceux qui, comme le texte de Notre bon roi, chanté par Marc Augeret, dit, bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, ou en tout cas, sans casser des verres. Donc, au bout du compte, il fallait bien aller à cette violence pour faire disparaître complètement l'ancien régime. Et cela, c'est dès La Cretelle, par exemple. Vous citez La Cretelle, qui écrit entre 1800 et 1806. Il est journaliste monarchiste et lui, il continue Rabaud. Saint-Étienne, qui pourtant lui-même avait entamé un travail et avait été une des victimes de la Révolution française, pour avoir été lui-même engagé dans cette révolution. Et La Cretelle contredit celui qu'il est censé suivre en disant « Le point principal de la révolution, c'est sa violence déchaînée. » Oui, ça dépend du moment politique où les ouvrages sont écrits et publiés. On peut trouver même des auteurs qui vont reproposer leur ouvrage dans des moments politiques différents et qui vont changer chaque fois leur interprétation de la révolution. Par exemple, pour la date de fin de la révolution. Voilà, est-ce que la révolution se termine à Brumaire? Ou est-ce que ça se termine en 1814, par exemple? Ou en 1802. Ça dépend de, ça dépend de différentes situations politiques. Ça dépend de comment les auteurs interprètent le moment présent. Parce qu'écrire une histoire de la Révolution, c'est en quelque sorte s'interroger sur le temps présent et en quelque sorte essayer de donner une perspective pour le futur. Et alors, comme les historiens ont du mal à interpréter les passés, il est évident qu'ils ont des difficultés encore plus fortes à lire le présent et encore plus fortes encore à faire des prédictions. Et donc, dans ces ouvrages-là, vous trouvez aussi pas mal des incohérences, justement parce qu'ils s'aventurent dans un terrain, les historiens, qui ne leur appartient pas. Ça aurait été bien dommage, je trouve, Antonino De Francesco, que vous ne suiviez pas la préconisation de votre éditeur et que vous commenciez à la Troisième République. Tout simplement parce que vous nous faites découvrir une période qu'on connaît peu, cette période des années 1815, 1830 ou 40, où se cristallise véritablement de très grandes interprétations de la Révolution française. On connaît les critiques d'origine, vous avez cité Edmund Burke, mais on pourrait citer Joseph de Maistre ou d'autres qui se mettent en place très vite après la Révolution. Mais il y a celles qui naissent après la chute de l'Empire et celles-ci sont très intéressantes. On y trouve Adolphe Thiers et on y trouve bien d'autres historiens de l'époque. Bien sûr, la tradition libérale naît dans les années de la Restauration grâce à Adolphe Thiers, mais c'est surtout après les glorieuses journées de juillet, avec la monarchie de juillet, que toutes les traditions historiques sur la Révolution française vont débouter, parce qu'il y a bien sûr la continuation de l'interprétation libérale mise à point par Thiers, mais il y a aussi la naissance d'une lecture fort démocratique de la Révolution, et surtout, il y a la naissance, grâce à l'ouvrage de Philippe Monarotti, d'une interprétation sociale de la Révolution, et donc il y a la naissance même des partis politiques qui expressement se refont à l'expérience terroriste de 1793, de l'an 2 du gouvernement révolutionnaire. Oui, parce que on oublie que ces années 1830 qui sont pour nous des années d'une autre époque. La révolution industrielle est en train de se préparer tout doucement. On est très loin de la fin du XVIIIe siècle et pourtant, les survivants sont nombreux. D'ailleurs, Filippo Buonarroti que vous citez est un babouviste. Il était proche de Gracchus Babeuf et il se veut le défenseur d'une révolution sociale, dites-vous. Et il est en exil à ce moment-là quand il publie cela. Adolphe Thiers commence sa carrière d'homme politique. Il continuera jusque très tard dans le XIXe siècle. Et il est celui qui, dites-vous, veut faire de cette révolution le moment fondateur de la France moderne. Mais une France moderne, libérale et bourgeoise, Antonino De Francesco. Voilà. Les années 30 sont, de ce point de vue, fondamentales. Je vous fais un exemple qui est cher, beaucoup cher, du côté italien. Giuseppe Mazzini va créer la Jeunesse italienne en 1832 à Marseille, en indiquant dans le programme de son parti politique qu'on peut s'inscrire à la Jeune Italie si on n'a moins que 40 ans. Donc, il fallait être né tout au moins en 1792 pour pouvoir s'inscrire. Donc, il fallait pouvoir être né au lendemain de la naissance de la République française pour pouvoir être de démocrate et de républicain. Ce qui nous dit combien la Révolution française a représenté, bien au dehors de l'Hexagone, un point de référence pour toutes les cultures politiques et pour la création des nationalités. Voilà un autre point tout à fait fondamental dans mon livre. dans l'Europe continentale. Alors, on connaît effectivement certaines des querelles sur lesquelles on reviendra un peu plus tard avec vous, de la fin du 19e ou du début du 20e siècle autour de la Révolution française. On connaît moins ces querelles-là et on connaît moins encore, Antonino De Francesco, les dimensions christiques, par exemple, de cette révolution. J'ai découvert effectivement la Ponneret, que je ne connaissais pas, celui qui fait un trio un peu particulier. Ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus, Rousseau et Robespierre, ce qu'on appelle la Trinité sainte et sublime. On arrive à faire de Jésus une sorte de Père de la Révolution, avec des prophètes qui s'appellent Rousseau et des exécutants comme Robespierre, Antonino De Francesco. Oui, c'est la tentative de mettre ensemble la dimension profondément religieuse du peuple français avec une tradition politique qui avait connu beaucoup de résistances. Là aussi, à mon avis, c'est tout à fait fondamental d'insister sur le fait que, en France comme ailleurs, mais en France surtout, tout au long de deux siècles, la dimension contre-révolutionnaire a gardé sa force, a gardé toutes ses positions, et donc il fallait, de l'autre part de l'échiquier politique, essayer de trouver une sorte d'équilibre avec les valeurs profondes des collectivités de France. Voilà l'attention pour la dimension religieuse et la recherche de la possibilité de mettre ensemble des affaires qui, apparemment, ne pouvaient pas trouver une sorte de contact. Oui, alors, deux Frances qui s'opposent, la France contre-révolutionnaire, la France pro-révolutionnaire, mais une France pro-révolutionnaire qui est profondément divisée entre les libéraux, entre la gauche la plus marquée, ceux qui veulent, comme Cabet, écrire une histoire populaire de la Révolution française, face à Thiers qui, lui, est trop libéral et trop bourgeois. Et cela, on le verra continuer tout au long du 19e et du 20e siècle. Des gens qui ne sont pas hostiles à la Révolution, mais qui néanmoins ne sont pas d'accord sur ces interprétations, Antonino De Francesco. Voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup de monde qui essaie de se placer juste au centre de l'échiquier politique. Adolphe Thiers, qui arrive à être celui qui va créer, entre guillemets, la Troisième République, après avoir été un opposant du Second Empire, et là a démontré combien il existe une tradition libérale qui n'a jamais été, à mon avis, majoritaire en France. La spécificité, à mon avis, de la culture politique française du 19e siècle est celle d'être farouchement divisée en deux camps, l'un révolutionnaire, l'autre contre-révolutionnaire, mais il n'existe pas, à mon avis, une forte tradition libérale en France. Force est de dire, par exemple, que l'exemple bonapartiste a représenté, de ce point de vue, un poids trop fort pour qu'une dimension libérale pouvait s'affermir. Et il n'y a jamais eu, dans l'existence politique de la France du XIXe siècle, un régime plus contesté et plus mis en difficulté que la monarchie libérale de Louis-Philippe, qui a toujours été mise en difficulté à partir de premiers moments, aussi bien à gauche comme à droite, et qui n'a jamais eu la capacité de stabiliser. Et puis, il y a d'autres concurrences qui se mettent en place, des concurrences interprétatives, dites-vous, Antonino De Francesco, dans votre livre chez Perrin, La guerre de 200 ans, entre une interprétation d'une révolution qui serait meilleure, celle des États-Unis, par exemple, et celle de la Révolution française. Et vous dites qu'il y a toujours ce débat, tout au long du 19e siècle, sur le caractère différent de ces deux révolutions, la Révolution américaine et la Révolution française, débat qui se poursuit encore aujourd'hui, puisque il a été renouvelé par l'invention, par exemple, du terme de Révolution atlantique. On y reviendra un peu plus tard avec vous. Les deux révolutions, la Révolution américaine et la Révolution française, ont été beaucoup plus semblables, beaucoup plus proches que l'on en croit. Mais dès qu'on essaie de créer des États-nations, dès qu'on essaie de créer des traditions nationales, dès qu'on veut essayer de définir soi-même comme le produit des circonstances exceptionnelles, il va de soi qu'il faut se distinguer par rapport aux autres. Et, oui, bien sûr. Et donc on est dans la concurrence. Que les Américains ont fait leur propre révolution qui ne veut pas être mise en discussion par d'autres exemples révolutionnaires. La même chose ont fait auparavant les Anglais avec la révolution de la fin du XVIIe siècle. Et la même chose, tout au long du XIXe siècle, ont essayé de faire la culture politique française en disant que la révolution française était quelque chose d'unique. Mais, de ce point de vue, ils n'avaient pas tort, parce que grâce à l'extension révolutionnaire au-delà de l'Hexagone, il faut dire que la Révolution française a représenté un exemple vivant et précis pour beaucoup d'autres États-nations qui vont se former tout au long du XIXe siècle en Europe. Et puis, c'est en faisant des cours sur les révolutions que Jules Michelet, au Collège de France, provoque une nouvelle révolution. Enfin, c'est comme cela qu'on le lit généralement, puisque la révolution de 1848 intervient juste après ces cours sur la révolution, comme si la parole révolutionnaire pouvait à un moment ou à un autre, ou disons la parole qui vénère la cause de la révolution, pouvait à un moment ou à un autre devenir performative, comme on dit aujourd'hui Antonino De Francesco. C'est ça. Si je pouvais poser une question, j'ai l'impression que ce n'est plus le temps de Jules Michelet maintenant. Parce que Jules Michelet pose le problème du peuple, d'un peuple qui est mûr, d'une souveraineté populaire qui s'affirme grâce à 1789 et qui détermine la modernité française. Bon, Jules Michelet crée les récits nationaux. Combien de ces récits nationaux restent dans la culture politique des Français d'aujourd'hui? Ça, j'habite pas la France. Je ne suis pas français, je ne saurais pas vous dire exactement. L'impression est que, du point de vue historique, Jules Michelet, à mon avis, est en baisse. Oui, mais si vous allez voir le film qui sort demain dans les salles pendant que vous êtes à Paris, oui. Antonino De Francesco, qui s'appelle « Un peuple et son roi », eh bien, c'est justement un film qui est centré sur la relation du peuple de Paris avec Louis XVI, et on voit ressurgir peut-être de vieux fantômes micheletiens dans le travail de Pierre Scholler. J'en serais fort content. Avec un des premiers enregistrements sonores de la Marseillaise, l'orchestre et les chœurs des grandes scènes lyriques chantent en 1897 la Marseillaise. On est justement après ce rétablissement de la République, après la naissance de cette Troisième République, et on est en pleine célébration. Évidemment, 1889 a été un très grand moment de réflexion sur le centenaire de la Grande Révolution française. Ce qui se passe sous la Troisième République est extrêmement intéressant, puisque on voit là aussi les lieux de savoir, et en particulier la Sorbonne, devenir des tribunes pour défendre telle ou telle version ou telle vision de la Révolution française, Antonino De Francesco. Oui, ça c'est vrai, et la Troisième République a eu beaucoup de problèmes dès son implantation à trouver une sorte de légitimité politique. Dans le passé français, il a pensé que la saison la plus apte pour définir sa propre identité politique, c'était les années du Directoire. Mais en faisant cela, les premières années de la Troisième République ont été mises en discussion par l'opposition de ceux qui avaient fait l'expérience de la Commune. Et donc, dans un très bref délai, on a essayé de trouver un autre point de référence à l'intérieur de la décennie révolutionnaire. On a pensé alors qu'il fallait se distinguer de Robespierre parce que là, c'était la violence, là, c'était la terreur, là, c'était l'épisode de la Commune encore. D'où notre part, il fallait essayer de prendre la distance des accusations de modérantisme que vers la classe dirigeante de la Troisième République était rapidement adressée. Et alors, on a pensé de trouver une sorte de point d'équilibre dans la figure des Dantons. Mais, parce oui. que Danton mais, était... mais déjà, Danton, dites-vous, il était présent dans Thiers. Oui. Enfin, plutôt, Thiers avait déjà réévalué Danton, dites-vous, Antonio Di Francesco. Et au bout du compte, ce Thiers qui réévalue Danton dans les années 1830, eh bien, il voit le fruit de son travail de réévaluation oui. sur la place de l'Odéon aujourd'hui, où on trouve encore la statue de Danton en plein cœur de Paris. Mais comment ne pas réévaluer celui qui, le seul, dit de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, face à l'arrivée des troupes prussiennes. Donc, Danton représente vraiment le courage révolutionnaire et surtout le patriotisme révolutionnaire. Voilà pourquoi, tout au long des années de la Troisième République, Danton, beaucoup plus que Robespierre, a représenté les sujets forts du mythologie républicaine. Et puis, il y a tous ces pays qui rêvent de révolution et qui rêvent la Révolution française comme étant leur horizon d'avenir. Cette fin du XIXe siècle, avec les tentatives socialistes, communistes, un peu partout en Europe, eh bien, ils ont en tête cet exemple révolutionnaire qu'il faudrait remettre sur le travail du révolutionnaire, en l'occurrence. Si on court à la révolution de février 1917, on trouve qu'il s'agit d'une révolution d'après l'exemple du 10 août 1792. Et la chose est tout à fait évidente si l'on songe au fait que même les historiens de la Révolution française qui sont en place à Paris, Alphonse Allard et Albert Mathier, tous les deux applaudissent à ce qui vient de se passer en Russie comme s'il s'agissait d'une reprise de la mécanique révolutionnaire française. Donc, pourtant, ils ne sont pas d'accord entre eux. Tout à fait un désaccord entre eux. Mais ils vont d'accord dans le choix de la guerre. Ils sont tous les deux fort favorables à la guerre, avec des intentions différentes, d'après des considérations différentes, mais ils sont tous les deux favorables à la guerre. Ils sont tous les deux favorables à la révolution en Russie parce qu'ils sont convaincus qu'à travers la révolution, la guerre va reprendre d'une façon encore plus agressive du côté Est. Et ils seront tout à fait déchus de que Lénine fera le choix, en revanche, de prendre la distance des hostilités, de faire la paix avec l'Allemagne. Donc, ça sera vraiment un passage très douloureux pour l'imagination de l'un et de l'autre de la Révolution russe. Alors, on sait que les livres sur la Révolution française n'ont jamais cessé de paraître tout au long du 19e et du 20e siècle. On sait aussi combien les historiens se sont voulus, sinon prophètes, analystes du passé, mais en même temps prenant le pouls du présent à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir une action sur la société dans laquelle ils se trouvaient. Et les historiens français, plus que tous les autres dans ces années entre 1880 et 1945 ou 1940, les voilà tous pris dans cette idée que l'histoire de la Révolution peut servir de miroir à l'histoire qui est en train de s'écrire en France ou en Europe. Quelle extraordinaire présomption, n'est-ce pas? Mais cela, c'est légitime si l'on songe au rôle que la discipline historique a joué tout au long du 19e siècle, de la première moitié du 20e. L'histoire représentait la discipline qui légitimait la naissance des États-nations, qui légitimait la culture politique nationale de chaque pays d'Europe. L'histoire a représenté vraiment la discipline la plus importante pour définir une culture politique dans ces années-là. Et il est évident que les historiens jouaient un rôle qu'ils ont après perdu et ils n'ont jamais eu plus la possibilité de récupérer. La crise de la discipline historique a déterminé la crise du rôle de l'historien dans la société. Et puis, un grand historien qui fonde une nouvelle école historique, qui s'appelle Marc Bloch, dit dans un de ses textes, robespierriste, anti-robespierriste, dites-nous d'abord qui était Robespierre. Parce qu'effectivement, d'une certaine façon, les porte-drapeaux des deux camps sont en bagarre permanente au point qu'on se demande si on fait encore de l'histoire ou si on fait de la politique et de l'idéologie. C'est ça, il faisait un choix idéologique où on avait des difficultés à récupérer l'image concrète de Robespierre et les rôles que Robespierre avait joué concrètement dans la Révolution. De ce point de vue, sûrement la Révolution française a été les sujets les plus brûlants du point de vue idéologique qu'il y a eu dans les deux derniers siècles. Voilà pourquoi la chose a passionné beaucoup, même celui qui vous parle. Et voilà pourquoi vous avez une grande vertu dans votre livre, c'est de nous ouvrir le champ. On sait très bien qu'on a besoin, dans ces temps de mondialisation, de lire autre chose que notre propre historiographie. Et vous nous faites le point sur les historiographies britanniques, les historiographies anglo-saxonnes et américaines. Vous faites le point aussi sur l'historiographie de votre propre pays, l'Italie, qui n'a pas été le dernier des pays à s'intéresser à la Révolution française, Antonino Di Francesco. L'un des premiers, je dirais, parce que l'Italie vraiment est beaucoup plus proche à la France que ce que l'on en croit. C'est-à-dire l'Italie est née avec la Révolution française, l'Italie est née dans les années de Bonaparte en Italie, et elle a toujours gardé un rapport d'amour et d'haine avec la France. Donc la Révolution française a toujours représenté un passage fondamental pour lire la situation politique en Italie. Mais il y a de plus, je dirais que la même chose, on peut récupérer même dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne. Mmh. L'Allemagne aussi est très semblable de ce point de vue à l'Italie. Et je dirais que, à contrario, l'Angleterre et même les États-Unis ont essayé de porter attention à la Révolution française pour répondre à des questions qui étaient propres à leur dynamique politique. Donc, l'historiographie est devenue une sorte d'instrument pour lire, interpréter et agir dans le temps présent. Prenons l'exemple, vous venez de le citer, de l'Angleterre. Vous interrogez sur les interprétations après la Seconde Guerre mondiale que peuvent faire des écoles anglaises très différentes, une école marxiste qui est représentée par Eric Hobsbawm, par exemple, et une autre école, celle de Cobham, par exemple, Alfred Cobham, qui est évidemment très opposée aux interprétations marxistes d'Albert Sobule ou encore d'Eric Hobsbawm. Et on voit bien qu'il y a là tout de même, dans ce champ anglais, un véritable combat qui se déroule après coup, très longtemps après la Révolution, dans les années entre 1950 et 1970, autour de cette même Révolution française. Antonio, il s'agit d'un combat à l'intérieur de la Grande-Bretagne, parmi des écoles qui sont opposantes, sur un sujet qui n'appartient pas à l'histoire britannique, c'est-à-dire la Révolution française. Mais cela nous dit combien la Révolution française a été exploitée de l'autre côté de la Manche pour régler des comptes qui étaient antérieurs à la société politique britannique. Il y a de plus Alfred Cobham, qui était fort conservateur, qui avait commencé en faisant des études sur les conseils des dictatures vers la fin des années 30. Quand il approche les sujets révolutionnaires, il le fait pour mettre en évidence le fait que la culture politique française avait déterminé une lecture de la Révolution qui était largement surestimée, qui était dominée par l'idéologie et qui ne correspondait pas du tout à la réalité historique. Et de ce point de vue, je dirais que Cobham a représenté beaucoup, même pour Furet. Furet ne les cite pas expressément, mais les premiers travaux de Furet, en particulier la Révolution française qu'il rédige avec Denis Richer, en 65-66, sûrement est touché par la réflexion de Cobham. Et puis, on peut voir aussi dans ces années 50-60 se développer, dans cet espace anglo-saxon, ce parallélisme, cette analogie entre le stalinisme et la Révolution française, ce qu'on connaîtra plus tard, à savoir la terreur et la racine des catastrophes du XXe siècle, et en particulier de la catastrophe des pays communistes autour de l'URSS. Antonio Di Francesco. Il s'agit d'une thèse qui est parue à partir de 1917, on pourrait dire, hein, parce que déjà aux années 20, surtout En Grande-Bretagne, il y a des travaux qui sont fort contre-révolutionnaires et qui insistent sur le fait que la révolution bolchevique n'est rien d'autre que la reprise de la révolution française et que la terreur jacobine est une sorte d'avant-garde de la terreur léniniste. Donc, une lecture contre-révolutionnaire qui met en relation les deux révolutions sous le drapeau de la violence et de l'autoritarisme qui a dominé la scène, surtout du côté contre-révolutionnaire, et qui, à mon avis, n'a eu beaucoup de force dans l'immédiat après la Seconde Guerre mondiale, du point de vue de la discipline historique. Autre chose, les sentiments profonds. Il y a toujours une chose dans ces considérations qui m'a frappé, le fait que les livres sur la Révolution française qui a le plus vendu, c'est la Révolution française de Pierre Gassotte. Mmh. Donc, un écrivain, Pierre Gassotte, un écrivain de droite proche de Charles Maurras. Voilà, c'est justement lui, et c'est lui qui a beaucoup plus vendu que tous les autres au sujet de la Révolution française. Et alors, vous en tirez quoi comme conclusion? J'en tire comme conclusion que dans la société française, il y a une racine profonde de droite qui serait une belle erreur de sous-estimer. Et qu'on a pu voir renaître, par exemple, dans les années 70. Elle n'a jamais disparu. Elle est restée sous trace, et de temps en temps, dès que les occasions se rendent possibles, elle va se reproposer. Oui, et elle se repropose, par exemple, autour d'un cas très particulier, le cas de la Vendée, un opéra rock, une chanson de Didier Barbelivien qui traite les Vendéens de peuple de géants. On l'écoute. Avec vos sabots dans les champs et vos chansons de paysans, avec vos visages immobiles, avec l'idée qu'il faut du temps pour faire un arbre ou un enfant, avec vos saisons difficiles, avec vos lacs et vos forêts, vos prières écrites en secret, vous n'êtes pas des gens de la ville. Avec vos sabots dans les champs et vos chansons de paysans, avec vos visages immobiles, vous êtes un peuple de géants. Vous êtes un peuple de géants. Voilà celui qui écrivait aussi Les Mariés de Vendée, Didier Barbelivien. Il y a tout de même, vous le disiez tout à l'heure, Antonino De Francesco, une tendance permanente à, disons, contre-révolutionnaire, à critiquer les excès de la Révolution et parfois à considérer, comme a pu le faire Pierre Chaunu ou des gens qui étaient ses élèves, que c'était un génocide, la fameuse thèse du génocide vendéen. On recevra demain celui qui l'a combattu, à savoir Jean-Clément Martin. On essaie de dire que la Révolution n'a pas été un mouvement de peuple surgi du bas, mais qu'elle a été imposée par une minorité d'anneaux. Et donc, de ce point de vue, on insiste sur le fait qu'il y aurait une France profonde qui aurait toujours résisté à la Révolution. Et la chose n'est pas si bizarre que ça, parce que la même chose se repropose dans d'autres pays. En Italie, par exemple, il y a un revival du brigandage qui aurait opposé le peuple du Midi à l'invasion piémontaise au lendemain de l'unification. La mécanique est la même, c'est-à-dire on essaie de prendre comme exemple ces résistances populaires pour démontrer que la modernité représentée par la Révolution française était néfaste et donc qu'il valait bien la combattre. Alors évidemment on s'approche de la période crucial qui était le bicentenaire de la Révolution française, aussi importante cette période que le centenaire de 1889. On voit paraître, et vous avez déjà cité son nom, les travaux de François Furet, de Mona Ozouf. Vous expliquez le début des querelles avec Michel Vauvel qui vont trouver leur couronnement au moment de ce bicentenaire de la Révolution française, Antonino de Francesco. Et vous expliquez aussi qu'il y a là toujours une relation à la fois au monde. On se considère comme ceux qui avons apporté la liberté au monde entier, à l'Europe entière et pourquoi pas au monde entier, mais aussi à notre propre mémoire qui s'est instituée depuis deux siècles à l'intérieur de ce pays qu'est la France. Antonino de Francesco, un double mouvement. Alors, François Furet a gagné sur toute la ligne. Et comme on le sait souvent, les grandes victoires, les victoires tout à fait écrasantes, peuvent décliner hein, de fait. C'est-à-dire, si on gagne trop, le résultat est que la victoire peut sembler en quelque sorte une victoire mutilée, une victoire mise en difficulté par les perspectives futures. En ce qui concerne les théories de Furet, il va de soi que Furet a gagné, et il a gagné parce qu'il a trouvé de l'autre part une tradition historiographique qui avait fait son temps, et donc qui était en difficulté face aux grands changements qui étaient en cours d'intervenir. Ça, c'est ce que vous dites, Antonino de Francesco, mais puisque vous êtes pris vous-même dans cette histoire de la Révolution depuis que vous y intéressez dans les années 70, vous n'êtes peut-être plus aussi distant que par rapport aux historiens du 19e ou du 20e que vous avez étudié. Vous diriez quoi? Vous disiez tout à l'heure, je suis plutôt girondin. Vous diriez quoi dans cette querelle, justement, entre furettistes et vauvéliens, entre l'Institut d'Histoire de la Révolution française? C'est une querelle qui a fait beaucoup de mal aux études révolutionnaires, parce que, en quelque sorte, le résultat était de rendre la Révolution un sujet froid, un sujet qui pouvait être abordé d'une façon technique, entre guillemets. Et si on enlève à la Révolution sa valeur idéologique, sa valeur sentimentale, on finit par pour en faire un sujet historique comme les autres. Et c'est justement ce que les nouvelles tendances de l'historiographie essaient de faire. La Global History nous dit que la Révolution française est une révolution comme les autres. Oui, c'est-à-dire que si on la replace dans un âge des révolutions, par exemple, cet âge de révolution atlantique en particulier, par exemple, on peut dire... Bon, elle n'a pas. Il y a la révolution haïtienne, nous dit-on, qui a eu autant d'importance dans l'espace caribéen et sud-américain, et même américain, que la révolution française. Oui, mais moi je voudrais souligner le fait qu'il n'y aurait pas eu de révolution haïtienne s'il n'y avait pas eu de révolution française. Donc là, il y a toujours une question de primauté. On ne peut pas mettre les deux révolutions sur le même plan, parce que c'est impossible. Il y a eu la révolution française, et de la révolution française, il y a eu même la révolution haïtienne. Donc, il faut toujours distinguer. Et on ne peut pas mettre d'une façon horizontale tous les événements sur le même plan. Il faut distinguer où est la racine et où est le résultat, d'où on commence et où on arrive. Et donc, c'est de là que vient cette mélancolie que je ressens à la lecture de votre travail. La mélancolie appartient à mon caractère et appartient au fait que je suis devenu désormais un homme vieux, que je suis né historiquement parlant avec la Révolution française. Et quand j'ai abordé la Révolution française comme sujet d'étude, il s'agissait d'un thème qui était réputé l'un des plus importants pour quelqu'un qui voulait faire de l'histoire. Maintenant, je ne sais pas si c'est comme ça. Et à mon avis... Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, et il y a de l'amertume, quand même, quand je dis ces choses-là. Oui, parce que vous avez un Christopher Bailey qui, en 2004, rompt avec la centralité du vieux continent. C'est-à-dire, il dit tout compte 2004 est important pour deux raisons. Pour Bailey, comme vous dites, parce que... The Birth of the Modern World dit qu'en quelque sorte, la Révolution française est un passage con. Beaucoup d'autres. Mais il y a un autre livre fort passionnant, La Révolution, une exception française d'Annie Jourdan, où Annie Jourdan fait la tentative de reprendre en main la dimension atlantique de Révolution pour mettre en évidence l'importance de la Révolution française face aux autres révolutions qui ont eu lieu dans l'Europe continentale. Tout cela en 2004. Donc, d'une part, il y a quelqu'un qui dit que la Révolution française... Voilà. Et de l'autre part, il y a quelqu'un qui insiste sur l'importance de la Révolution française dans une dimension européenne et de moins en moins française. La Révolution n'est plus, d'après Annie Jourdan, une exception française, c'est quelque chose de bien plus répandu que l'on en croit. Et en 2005, qu'est-ce qu'on a? La chose qui plus m'a frappé, que la société française a répondu non à au référendum. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il existe encore une identité patriotique française très forte qui porte à regarder avec une certaine suspicion tout changement concernant l'identité et les récits nationaux. Merci beaucoup Antonio De Francesco d'être venu nous parler de votre livre qui sort après-demain, La guerre de 200 ans, une histoire des histoires de la Révolution française chez Perrin. Et si on veut faire justement le point sur ce que l'on sait de ces histoires très longues de la Révolution française en France, mais aussi dans les autres pays, les regards qui ont été portés sur elle, eh bien, il faut vous lire. Merci beaucoup. Mille fois merci à vous pour l'invitation et aux auditeurs pour la gentillesse de m'avoir écouté avec mon très mauvais français. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marsay et Céline Leclerc. Anthony Thomasson nous a accompagnés à la technique pendant toute cette émission et Marie-Laure Ciboulet était à la réalisation de La Fabrique de l'Histoire aujourd'hui. Demain, nous reviendrons sur les interprétations les plus récentes, sur la terreur, le tribunal révolutionnaire ou encore le directoire avec nos invités. Si vous voulez écouter cette émission ou toutes les émissions de cette série, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC. À demain.